Voici votre bulletin régional. Du 2 au 5 juillet, vente de hot dogs et liqueurs, 1$ chacun à Istengis, au profit du voyage à Prague de l'équipe de handball. Samedi 4 juillet, journée familiale avec jeux gonflables. Dans le cadre des concerts de la gare à Istengis, Paragon, groupe rock, est en spectacle le 2 juillet dès 19h30. C'est gratuit. Détails à concertdelagare.com. Le 2 juillet, à partir de 18h, se tient des auditions à la salle Guy Veilleux de Courchir en vue du spectacle qui aura lieu le 1er août. Pour plus d'informations, pour participer ou pour assister au spectacle, communiquez avec Loisirs Courchir au 819-875-5681 ou par courriel à info@salleguyveilleux.com. Les 3 et 10 juillet, projection de films extérieurs gratuite au parc Nicole de Istengis. En cas de pluie, à l'intérieur du bâtiment du parc. Il y a tournoi de baseball poche régional en plein air organisé par la FEAS et la FADOC le 3 juillet à Linwick. Le 4 juillet, de 9h30 à 11h, se déroule à Dodgewell l'Assemblée générale annuelle de l'Association protectrice du lac d'Argent. Au resto du village de Skustown le 4 juillet, souper musique avec Jonathan McCauley, chanteur-musicien originaire de Skustown. En prestation jusqu'à 22h. Bienvenue à tous.